Hey yo, my man, Shiloh. Yo, man. Ouais, tu te rappelles de notre premier live? Yes, bar là. Yes, Made in Unity Festival. Eh ben, ils fêtent leurs 10 ans cette année. 10 ans? Yes, c'est pas un truc de dingue, c'est ça? C'est une histoire de dingue, dingue. Hey yo, Shiloh Watt, Dagan et Shiloh, Big F Lost Unity Sound, Solterbeat. Happy birthday, North Unity. Une histoire de dingue, dingue. Une histoire de taré. Le genre de délire que les faits divers n'ont pas relaté. Une histoire de dingue, dingue. Une histoire de taré. Tu ne croiras jamais à tout ce que j'ai à te raconter. Une histoire de dingue, dingue. Une histoire de taré. Le genre de délire que les faits divers n'ont pas relaté. Une histoire de dingue, dingue. Une histoire de taré. Une histoire de taré. Confiscation de ressources nationales. 14 états africains payent encore un impôt colonial. Dis-moi si c'est normal, dis-moi si c'est légal de faire payer tout un peuple où les enfants ou encore la dalle. À force de tirer sur la côte, oui, ça va faire mal. Et dis-toi bien qu'un jour le lion finira par bouffer le chacal. Attends, j'ai pas fini avec les affaires anormales. Quand qu'à déverse ça et ne sans crainte dans une matinale. Le gars est inquiété par aucun tribunal. Deux poids, deux mesures, je dis on doit y mettre un point final. Bam bam bam bam bam bam, on doit y mettre un point final. Sinon dans mon y aura toujours d'histoire. Des histoires de dingue dingue, des histoires de taré. Le genre de délire que les faits divers n'ont pas relaté. Des histoires de dingue dingue, des histoires de taré. Tu ne croiras jamais à tout ce que j'ai à te raconter. Une histoire de dingue dingue, une histoire de taré. Le genre de délire que les faits divers n'ont pas relaté. Une histoire de dingue dingue, une histoire de taré. Une histoire de taré. Vivendi Universal contre Aurélien Densal. Trafic d'un mot de Sénégal en Russie, trop d'argent sali. Tu quand la vérité fait mal au Pakistan. Massifique balle infinie dont tu les perds ton balle pour pas finir comme un animal. Mais la Chine a ses yeux népal. Regarde les salariés de Continental. Tous autant qu'ils sont auraient eu des menaces verbales. Tu bats pour tes droits, ça vaut bien plus que 50 balles. Balles. Benjamin Ike charge balle au milieu d'un match de football. Un spanichon, c'est normal, le meurtrier presque légal. Et tu débranches à la chaîne, elle les serve dans les quick halal. En Philippines, fini les chaînes, maintenant c'est la peine capitale. TF1 pour bon que la chaîne écoute parce que dit Claire Chazal. Ils abattent des millions de chaînes pour reconstruire des centres mal. Révolté, tu te déchaînes, on dit que t'es dans l'illégal. Les heures de taf, tu enchaînes, mais ton salaire lui reste égal. Une histoire de dingue, dingue. Une histoire de taré, le genre de délire que les faits divers n'ont pas relaté. Une histoire de dingue, dingue, une histoire de taré. Une histoire... Attends. Une histoire de dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. Une histoire complètement dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. Le 10e anniversaire, c'est complètement dingue, dingue. North Unity, c'est complètement dingue, dingue. Son Jabis de Borlin est complètement dingue, dingue. Jagan et Shiloh sont complètement dingue, dingue. Le cul le Watt dans le sud, c'est complètement dingue, dingue. C'est comme ça, c'est kilowatt. Dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. De dingue, dingue, une histoire de taré. Le genre de délire que les faits divers n'ont pas relaté. Une histoire de dingue, dingue, une histoire de taré. Tu ne croiras jamais à tout ce que j'ai à te raconter.